رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونواصل في شرح الحديث الثاني منه، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام. قد شرحنا في الدرس الماضي أركان الإسلام، الركن الأول وهي الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc nous continuons l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Dans le second hadith de celui-ci, nous avions expliqué la semaine, plutôt le cours dernier, les piliers de l'islam et en particulier le premier. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين rahimahullah ta'ala وقوله وتقيم الصلاة أي أن تأتي بها قويمة ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا لابد منه، وبمكملاتها تكون أكمل. ولا حاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه. Puis Cheikh Ibn Uthaymeen continue l'explication de ce hadith de Jibril alayhi salam, qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui poser des questions, une série de questions, et la première question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Jibril alayhi salam était « Informe-moi de l'islam ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que l'islam était d'attester qu'il n'y a de vraie divinité, qu'il ne mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et cela on l'avait expliqué durant le cours précédent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est-à-dire à Jibril, en réponse à sa question, et d'accomplir la prière. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah, c'est-à-dire de l'accomplir comme il se doit. De l'accomplir comme il se doit, et accomplir la prière comme il se doit ne peut se faire que lorsque les conditions, les piliers et les obligations de celle-ci sont réunies. Pour qu'une prière soit correcte, il faut que l'ensemble de ces conditions soient respectées, il faut que l'ensemble des piliers de la prière soient acquittés, et il faut également faire l'ensemble des obligations de la prière. Et la différence entre le pilier de la prière, un pilier de la prière et une obligation de la prière, la différence intervient lorsque le musulman délaisse l'une de ces deux choses. S'il délaisse un pilier de la prière, celle-ci s'annule automatiquement. Par contre, s'il délaisse une obligation de la prière est diminuée, il a commis un péché, mais sa prière reste valide. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, qui explique ce hadith, n'entre pas dans les détails, à savoir quels sont les piliers de la prière, quelles sont les obligations de la prière, etc., etc. Tout ceci est expliqué dans les livres du fiqh. Et ce n'est pas le contexte idéal pour les citer, car l'explication des 40 hadiths est assez longue déjà à la base. Donc le but est d'expliquer le hadith dans sa globalité. Quant à ceux qui veulent plus de détails, à savoir quels sont les piliers et les obligations de la prière, qu'ils se réfèrent au livre de fiqh ou au cours spécifique sur la prière. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة تؤتي بمعنى تعطي والزكاة هي المال الواجب في الأموال الزكوية فيعطيه الإنسان مستحقه تعبدا لله عز وجل ورجاء لثوابه. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Jibril عليه السلام, et c'est également de t'acquitter de la zakat. De t'acquitter, c'est-à-dire de donner la zakat. c'est-à-dire de donner la somme d'argent ou le bien parmi les biens dans lesquels tu dois donner la zakat. Et ceci aussi pour ceux qui voient tous les détails de la zakat, quels sont les biens dans lesquels la zakat intervient. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a les bestiaux, les moutons, les vaches, les chameaux. Il y a aussi, selon l'avis de certains savants, urud al-tijara, qui sont les marchandises utilisées ou les stocks de marchandises utilisés par les commerçants. Et selon les, et il y a également les cultures aussi qui entrent dans la zakat. Donc selon la quantité que tu as d'argent, selon la quantité que tu as d'animaux bestiaux, selon la quantité de tes cultures et selon la quantité de tes stocks de marchandises si tu es commerçant, tu dois donner une part de la zakat. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue détailler tout ceci de façon très précise. Et ce qui concerne une grande partie des musulmans, voire la majorité, c'est bien sûr la zakat à donner sur l'argent, sur les biens de la personne. Sur l'argent que tu as en ta possession, lorsqu'il dépasse un seuil et qu'il est resté au-dessus de ce seuil pendant une durée d'un an, et ceci doit être compté via les mois lunaires et non pas les mois solaires, lorsque tu as cette somme au-dessus de ce seuil qui est appelé chez les savants un nisab, dont l'équivalence est de 82 grammes d'or, qui correspond à peu près 1100 euros à peu près. Donc lorsque tu as cette somme, hein, 1500, ça a augmenté l'or. Non. Donc 1500, le frère m'a dit. Donc c'est vrai que l'or a beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc si tu as une somme d'à peu près 1500 euros que tu as en ta possession pendant une durée d'un an, en comptant les mois lunaires, eh bien tu devras donner en zakat 2,5% de cette somme que tu as en ta possession. 2,5%. Donc si tu as une somme de 10 000 euros, les 2,5% correspondront à 250. Et 250 euros, ce n'est rien du tout par rapport à 10 000. Mais c'est une obligation et c'est un pilier de l'islam. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent mettre en garde contre ceux qui délaissent la zakat sont nombreux. Et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, lorsque certains ont décidé de ne plus donner la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas hésité une seule seconde à les combattre. À les combattre, car ils ont délaissé cette adoration importante en islam et qui est le troisième pilier ou le quatrième pilier de l'islam. Donc c'est de donner cette zakat, et la zakat ne se donne pas à n'importe qui. La zakat ne se donne pas à n'importe qui. Tu ne donnes pas les 2,5% qui sont obligatoires pour toi. Tu ne les donnes pas à qui tu veux, mais tu les donnes à qui de droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité les catégories à qui doivent revenir, auxquelles doivent revenir cette somme d'argent. وقد بين الله تبارك وتعالى أهل الزكاة في سورة التوبة أنهم ثمانية أصناف فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم والله عليم حكيم وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولا حاجة إلى تفصيله هنا. Et Allah عز وجل a expliqué dans sourate At-Tawbah, sourate le repentir, les huit catégories de personnes qui ont le droit de percevoir l'argent de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala a dit innama as-sadaqat, c'est-à-dire les aumônes, c'est-à-dire issues de la zakat, doivent revenir à al-fuqara, qui sont les pauvres, wal-masakin, qui sont les nécessiteux, Et la différence entre le pauvre et le nécessiteux est que le pauvre n'a rien. Il n'a rien en sa possession. Il n'a que ce que tu lui donnes. C'est simple. Si tu lui donnes, alors il a. Si tu ne lui donnes pas, alors il n'a rien. Et le nécessiteux, c'est celui qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Celui qui a des revenus. Celui qui a une entrée d'argent, mais celle-ci est insuffisante pour subvenir à ses besoins et, aux besoins de sa famille. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا Et ceux qui y travaillent, alhamdoukallah. Et ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la zakat. Ils ont le droit de percevoir cet argent. Qui sont les personnes qui travaillent dans la zakat? Ce sont les employés de l'État qui ont pour charge soit d'aller estimer l'argent de la zakat, soit d'aller la récupérer de ceux qui doivent la donner, ou soit de la donner à ceux qui le méritent. Car dans un État musulman, et il y a des hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari ou Muslim, où le professeur sallam engageait parmi ses compagnons des personnes qui avaient pour charge de récolter la zakat. On a dit que la zakat, elle intervenait dans les biens, l'argent et l'or, mais aussi dans les cultures. Et il faut aller récupérer la zakat que doivent donner, par exemple, ceux qui ont des cultures, ou la zakat que doit donner celui qui a des chameaux, ou des brebis, ou des vaches. Il faut aller récupérer celles-ci. Il faut aller sur place, regarder le nombre de bêtes qu'a cet agriculteur, ou ce fermier, et de compter, de savoir combien il en a eu en sa possession pendant un an, et de voir en fonction du nombre de bêtes qu'il a, combien est-ce qu'il doit en donner. D'accord ? Et ceux-ci sont appelés al-amilin alayha, c'est-à-dire qu'ils ont été employés par l'État musulman pour aller faire ces différentes démarches. Et ces personnes, on a le droit de leur verser leur salaire de l'argent de la zakat. Ils ont le droit de percevoir un salaire qui est issu de l'argent de la zakat. Et les travaux sont multiples, comme je l'ai dit, soit c'est pour les estimer, car dans le bab de la zakat, il y a un chapitre qui est l'autorisation de donner la zakat avant les 1 an. Car concernant la zakat, tu as le droit de sortir ce que tu dois avant son terme. Mais ce qui est interdit, c'est de retarder le paiement après l'année. Après l'année, il est interdit de donner la zakat en retard, ne serait-ce que d'un jour. Par contre, tu as le droit de la donner en avance, même si c'est 6 mois à l'avance. Tu fais une estimation et tu donnes l'argent que tu aurais dû donner 6 mois plus tard. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Donc là on a vu الْفُقَرَى qui sont les pauvres, الْمَسَاكِينَ qui sont les nécessiteux, الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا qui sont ceux qui travaillent dans la zakat. Cela fait 3 catégories. La quatrième sont الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ sont ceux dont le cœur est à prendre. Ceux dont le cœur est à prendre, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui s'intéresse à l'islam, qui étudie cette religion, qui essaie de comprendre. Et ceci, même s'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont proches de l'islam. Et il est autorisé de leur donner de l'argent de la zakat afin de raffermir leur cœur et de les rapprocher encore plus de l'islam. Et ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lorsque l'argent de la zakat lui parvenait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le donnait parfois à des chefs de tribu, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Lorsque Ali radiallahu anhu a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam du Yémen de l'or qui était encore dans son sable et dans sa terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé, a divisé cet or sur 4 personnes qui étaient des chefs de tribu, qui étaient des chefs de tribu et le professeur sallam leur donnait de l'argent afin de les rapprocher de l'islam. Et le professeur sallam savait que si le chef de la tribu se convertissait à l'islam, ce serait toute la tribu qui le suivrait. D'accord ? Wa fir riqab, c'est-à-dire dans l'affranchissement. Tu as le droit de donner la zakat, hamukallah. Tu as le droit de donner de la zakat pour affranchir un esclave. Wal gharimin. Al gharimin, ce sont les endettés. Tu as le droit de donner l'argent de la zakat à une personne qui est endettée. Il fait partie des 8 catégories. Wa fi sabilillah. Et ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Ceux qui sont dans le sentier d'Allah, ceux qui combattent pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais les savants ont étendu cela à, et ont dit que fi sabilillah était plus large que le fait de combattre dans le sentier d'Allah, et que cela englobait aussi, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'apprentissage de la science. Celui qui est parti étudier en délaissant tout travail, toute activité professionnelle, et qui se rend dans un pays et son but n'est que d'apprendre la science matin, midi et soir, et de sacrifier son temps pour l'apprentissage de la science et pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est autorisé de donner l'argent de la zakat à cette personne qui se consacre et qui consacre sa vie et son temps à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'apprentissage de la science. Wabnus Sabil, c'est celui qui est perdu, celui qui est étranger, le voyageur qui s'est égaré et qui se retrouve dans une ville ou dans un pays qui n'est pas le sien, où il n'a ni argent, ni bien en sa possession, il est autorisé de lui donner de l'argent de la zakat afin qu'il retourne dans son pays, afin déjà qu'il subvienne à ses besoins dans ce pays étranger où il se trouve, mais également de lui donner la somme d'argent nécessaire à qui lui permettra de retourner dans son pays d'origine et de retrouver les siens. Et ceci, les savants disent, même si c'est un riche dans son pays, même s'il est riche dans son pays, mais qu'il se retrouve dans un pays étranger sans moyens ni biens, alors il est autorisé de lui donner l'argent de la zakat ou les biens de la zakat. Et Allah Azza wa Jalla a dit faridatan min Allah. C'est une obligation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de donner l'argent de la zakat à l'une de ces 8 catégories. Ou bien, il est autorisé de donner l'argent de la zakat à l'une de ces 8. Ou bien, de partager l'argent que tu as sur les 8. Ou bien, de le donner à 2 catégories sur 8. Avec Oulihan, tu as le libre choix de répartir l'argent que tu dois donner à la zakat sur ces 8 catégories. Si tu veux en consacrer ton argent à une seule de celles-ci, tu as le droit. Si tu veux le consacrer à 2 sur les 8, tu as le droit. Si tu veux le consacrer aux 8, tu as le droit également. Le principal, c'est que ton argent serve et arrive chez une personne qui entre dans ces 8 catégories, car c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est interdit de donner la zakat à autre que ces 8 catégories. Et ceci ne sera pas compté comme une zakat si tu étais amené à le faire. Et beaucoup se trompent en donnant l'argent de la zakat à la mosquée, par exemple. J'ai de l'argent de la zakat, je n'ai trouvé personne à qui le donner, je vais le donner à la mosquée, fi sabilillah. Non. Tu dois le donner à une de ces 8 catégories. Tu ne fais pas de l'argent de la zakat ce que tu veux. Wallahu alimun hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient et le tout sage. Allah azza wa jalla est savant et le tout savant, celui qui connaît toutes choses et le tout sage. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla, s'il a légiféré de donner la zakat à l'une de ces 8 catégories ou 8, cela par sa science subhanahu wa ta'ala et par sa sagesse. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله والمفطرات أيضا معروفة لا حاجة إلى ذكرها ولكن ننبه على شيء مهم فيها أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عالما، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مريدا. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le troisième pilier ou le quatrième pilier de l'islam, qui est de jeûner le mois du ramadan. C'est-à-dire, jeûner le mois du ramadan signifie de s'abstenir de tout ce qui annule le ramadan, de tout ce qui annule le jeûne, et ceci de l'apparition de l'aube véridique jusqu'à le coucher du soleil. Et ceci, cette abstention de ces choses doit se faire par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci de l'apparition de l'aube, l'apparition de l'aube véridique, car il y a l'aube mensongère, al-fajru al-sadiq wa al-fajru al-kadhib. Et les savants ont défini l'aube véridique et l'aube mensongère. L'aube véridique, l'aube mensongère précède l'aube véridique. L'aube mensongère, c'est une lueur qui apparaît à l'horizon et qui est suivie de ténèbres. C'est-à-dire que ce sont des lueurs, comme le disent les savants, dont la lumière est verticale. Quand tu regardes cette lumière, tu vois que c'est une lumière qui est verticale. Et ensuite, après cette lumière, la nuit revient. Cette aube mensongère, pourquoi est-ce qu'elle est mensongère? Car elle trompe la personne. Et celui qui la regarde sans faire attention croit que c'est l'aube, c'est-à-dire que c'est l'heure du Fajr, alors que non. Et en regardant, tu verras que après cette lueur, elle sera suivie de ténèbres. Et après ces ténèbres, apparaîtra une autre lueur qui, elle, est l'aube véridique. Et celle-ci, c'est une lueur horizontale, c'est-à-dire qui couvre quasiment l'horizon. Et c'est comme cela que les savants différencient entre l'aube mensongère et l'aube véridique. Et l'aube véridique n'est plus suivie de ténèbres. L'aube véridique n'est plus suivie de ténèbres, c'est-à-dire que cette lueur qui est horizontale ne cessera d'augmenter jusqu'à ce que le soleil se lève. Et le jeûne, l'abstention des choses qui annulent le jeûne, doit se faire après l'apparition de l'aube véridique et non pas après l'apparition de l'aube mensongère. Et les choses qui annulent, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, sont expliquées également dans les livres du fiqh. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rappelle seulement des choses importantes, une règle importante concernant ces choses qui annulent le jeûne. Il y a trois conditions pour que les choses qui annulent le jeûne l'annulent effectivement. Premièrement, il faut que la personne sache. Donc on va prendre l'exemple d'une chose qui annule le jeûne, c'est le fait de boire et de manger. Par exemple, de boire et de manger annule le jeûne lorsque la personne sait que le fait de boire et de manger effectivement annule le jeûne. Celui qui le fait par ignorance, son jeûne n'est pas annulé. An yakuna dhakiran. Il faut qu'il le fasse, que ce ne soit pas un oubli. Car celui qui, en sachant que de boire et de manger annule le jeûne, mais a quand même bu et a mangé parce qu'il a oublié qu'il était en train de jeûner, et ceci arrive souvent le premier jour du ramadan, parce que les gens sont habitués à manger, et du jour au lendemain, quand le ramadan commence, beaucoup se lèvent le matin et mangent et ne se rappellent qu'après que c'est le premier jour du ramadan et qu'ils n'avaient pas à manger et à boire. Ici, leur jeûne n'est pas annulé car ils l'ont fait par oubli. Ils ne l'ont pas fait de façon volontaire et délibérée. Et la troisième condition, c'est de le faire avec consentement. C'est-à-dire de ne pas être forcé à boire et à manger. Car si quelqu'un te force et te laisse le choix soit de manger et de boire, soit de mourir, alors tu manges et tu bois, et ceci n'est pas considéré comme annuler ton jeûne car tu as été forcé. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتحج البيت أي تقصد لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله عز وجل. وهل يدخل في ذلك العمرة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن العمرة دون الحج أي ليست من أركان الإسلام، لكنها واجبة يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب. إن استطعت إليه سبيلا مأخوذ من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يقول قائل هذا الشرط في جميع العبادات لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا خص الحج؟ نقول خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة، فلذلك نص عليه، وإلا فجميع العبادات لا بد فيها من الاستطاعة. Puis le professeur Hassem a dit et d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée, c'est-à-dire de se rendre dans la maison sacrée d'Allah Azzawajal qui est la Kaaba pour accomplir des rites, et ceci pendant une durée bien déterminée et pour adoration ou par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la définition du Hajj en islam, c'est le fait de se rendre à la Mecque pour accomplir des rites pendant une période bien précise, car tu ne vas pas faire le pèlerinage quand tu le veux, à n'importe quel moment de l'année. Allah Azza wa Jalla dit « Al-Hajj ashurun ma'lumat » Le pèlerinage a lieu pendant des mois bien connus. Donc là on parle bien du pèlerinage. Quant à l'Umrah, tu peux la faire toute l'année. Mais le pèlerinage, c'est de se rendre à la Mecque pour accomplir les rites du pèlerinage pendant une période bien déterminée, et ceci par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. La Umrah n'entre pas dans... n'est pas un pilier de l'islam. Il y a un divergent des savants, mais l'avis, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, le plus authentique, c'est que la Umrah ne fait pas partie des piliers de l'islam, mais c'est une obligation. Celui qui a la possibilité de faire la Umrah, il doit la faire. Il doit la faire, mais elle n'est pas considérée comme un pilier de l'islam. Puis, le professeur Hassan a dit « In istata'ta ilayhi sabila » Si tu en as la possibilité. Si tu en as la possibilité, et ceci est tiré du verset de Surat Ali Imran, le verset 97, où Allah Azza wa Jalla a dit « Et pour Allah, envers les gens... » l'obligation d'accomplir le pèlerinage de la maison pour celui qui en a la possibilité. Et si quelqu'un dit, pourquoi est-ce que, concernant le Hajj, on dit si tu en as la possibilité, alors que la possibilité physique et morale est demandée pour chaque acte d'adoration et n'est pas spécifique au pèlerinage? Yani, si tu n'as pas la possibilité de jeûner, est-ce que tu dois jeûner? Non. Celui qui est malade, il ne jeûne pas. Celui qui a une maladie incurable, il n'a pas le droit de jeûner. Ce n'est pas, s'il veut, il jeûne. Sinon, il ne jeûne pas. Si le fait de jeûner est un danger pour sa santé, alors pour lui, il est interdit de jeûner. Donc, la possibilité physique et morale est une condition pour toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah comme vous le pouvez. Craignez Allah comme vous le pouvez. Pourquoi alors citer systématiquement la possibilité lorsque l'on parle du Hajj et que l'on ne cite pas la possibilité lorsque l'on parle des autres adorations? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit ceci. Et le pèlerinage, on cite beaucoup la possibilité car c'est en général quelque chose de difficile. De faire le pèlerinage, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'éprouvant, c'est quelque chose qui est fatigant. C'est pour cela que le prophète a parlé de la possibilité. Car pour celui qui va faire le pèlerinage, c'est quelque chose d'éprouvant. Ceux qui l'ont fait vous diront que le pèlerinage, c'est éprouvant. Et c'est pour cela que le professeur Hassem a considéré le pèlerinage comme étant le jihad des femmes. Comme étant le jihad des femmes. Le hajj, c'est quelque chose d'éprouvant. Et c'est un plaisir pour les croyants de faire cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le professeur Hassan l'a fait et ses compagnons, et c'est un pilier de l'islam. Donc le musulman savoure ces moments, mais il ne faut pas oublier que c'est une adoration qui demande des efforts physiques et qui demande aussi des efforts financiers. Devenir au hajj devient maintenant de plus en plus cher. Il faut payer le billet d'avion, il faut payer la nourriture, il faut payer le logement, etc. etc. C'est une somme qui est assez importante pour beaucoup de musulmans qu'ils doivent débourser. Donc, pour cela que le professeur Hassan a dit, si tu en as la possibilité, car c'est une adoration qui est connue pour être difficile. قال أي جبريل صدقت أي أخبرت بالحق والقائل هو جبريل عليه السلام. Et Jibril عليه السلام a dit au professeur Hassan, tu as dit vrai, c'est-à-dire tu as informé tout ce dont tu as informé est la vérité. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه ووجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلا والمصدق يكون عالما فكيف يجتمع هذا وهذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه a dit et nous étions étonnés de cet homme qui pose une question et qui juste après dit tu as dit vrai. Pourquoi l'étonnement? Car en général, celui qui demande est celui qui ne sait pas. Et celui qui dit « tu as dit vrai », c'est celui qui sait. Mais ici, Jibril alayhi salam était à la fois celui qui demande et à la fois celui qui dit « tu as dit vrai ». Donc, c'était quelque chose où c'est un comportement qui a suscité l'étonnement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « قال فأخبرني عن الإيمان » قال أي جبريل فأخبرني أي محمد عن الإيمان والإيمان في اللغة هو الإقرار بالقلب والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع وأما قولهم الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظر. Puis Jibril عليه السلام a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit informe-moi sur la foi. Et la foi, en langue arabe, c'est le fait d'accepter et d'attester avec son cœur et de reconnaître. Et cette reconnaissance engendre l'acceptation et la soumission. Donc le fait de croire, la foi, quand on dit al-iman, c'est que ton cœur accepte et qu'il atteste et que ceci soit engendré d'une acceptation. D'une acceptation et d'une soumission. Et certains disent que Al-Iman, en langue arabe, signifie At-Tasdir, c'est-à-dire je crois seulement. Et ceci est une définition qui est à revoir, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc, la foi qu'il y a dans le cœur, ce n'est pas seulement je considère que c'est vrai, point final. Non, c'est j'atteste que c'est vrai. Et ceci va faire en sorte que j'accepte et que je me soumets à cette chose à laquelle je crois. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه ستة أشياء. الأولى أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الثاني الإيمان بانفراده بالربوبية أي تؤمن بأنه وحده الرب والرب هو الخالق المالك المدبر. والثالث الإيمان بانفراده بالألوهية وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك له. والرابع أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله وعلى هذا فإنه لم يحقق الإيمان بالله وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح ولم يحققوا الإيمان بالله. والذي فاته من الأمور الأربعة هو الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته ولم يحققوا الإيمان به ولا نقول إنهم غير مؤمنين فهم مؤمنون لا شك لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف وطريقتهم ضلال بلا شك ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه من الحق. Puis le professeur Hassan a répondu à Jibril alayhi salam en lui disant: la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses envoyés, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement, et de croire au destin bon et mauvais. Ceux-ci sont six piliers, les six piliers de la foi que le professeur Hassan a cité. Quant au premier pilier de la foi qui est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ceci signifie quatre choses. De croire en Allah signifie quatre choses. La première, c'est de croire dans l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. De croire avec certitude, sans avoir aucun doute, que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Comme l'a dit le poète, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ. Et il y a dans toute chose un signe qui prouve que c'est lui l'unique. Et les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Allah Azza wa Jalla nous dit, à titre d'exemple, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et dans vos personnes, c'est-à-dire il y a un signe de l'existence d'Allah Azza wa Jalla, ne voyez-vous pas? Il y a dans le corps humain la preuve évidente que Allah subhanahu wa ta'ala existe, car un corps humain aussi complexe et aussi organisé, chaque membre est placé là où il devait être placé, chaque membre fait ce qu'il a à faire, et chaque membre a sa complexité comme sa simplicité, et les mystères du corps humain ne sont jusqu'à nos jours pas entièrement dévoilés. Combien de mystères sont encore en suspens, ne serait-ce que dans le fonctionnement du cerveau humain? Les chercheurs n'arrêtent pas de trouver de nouvelles découvertes concernant le fonctionnement du corps humain dans sa globalité et plus précisément dans les fonctions vitales du corps humain. Donc, il y a dans toute chose une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose que signifie de croire en Allah, c'est-à-dire de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître de l'univers. C'est lui le seul maître de l'univers, de considérer et de croire qu'Allah azza wa jalla est le seul et unique gouverneur de l'univers. C'est le créateur, c'est celui qui possède les cieux et la terre et tout ce qu'elles contiennent, ainsi que tout l'univers. Et c'est lui, Allah azza wa jalla, qui gère le monde et qui gère les mondes et l'univers. Également, ce qui entre aussi dans cette croyance, c'est de croire qu'Allah azza wa jalla est celui qui donne la pourvoyance, que c'est lui qui donne la vie, subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui ôte cette vie en donnant la mort. La troisième chose que signifie de croire en Allah azza wa jalla, c'est de croire que c'est le seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré, sans ne lui associer quiconque ou quoi que ce soit. Allah azza wa jalla, c'est le seul créateur, et parce que c'est le seul créateur, ce doit être aussi, subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite qu'on lui adresse nos adorations. Et la quatrième chose, c'est de croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme elles nous ont été rapportées, sans les falsifier, sans les nier, sans dire comment sont les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans le comparer également à ses créatures. Allah azza wa jalla nous a informé de certains de ses noms et de certains de ses attributs subhanahu wa ta'ala, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des noms d'Allah azza wa jalla ainsi que de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et nous ne devons pas falsifier les noms et attributs d'Allah Azzawajal, car il y a des sectes qui falsifient en disant Allah Azzawajal a dit Bal yadahu mabsutatan, bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. Lorsque les juifs ont dit qu'Allah Azzawajal avait été avare, que ses mains étaient retournées, قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Allah Azza wa Jalla a répondu à cette accusation mensongère en disant que bien au contraire les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes ouvertes, c'est-à-dire que effectivement Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et ainsi l'ont compris les savants de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains réels, qui sont propres à lui subhanahu wa ta'ala. Et il est interdit de falsifier cet attribut qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu dire dans ce verset qu'il avait des mains, mais il a voulu dire qu'il était généreux. Effectivement, on comprend de cela la générosité, mais on ne doit pas nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. D'autres disent non, on n'a pas le droit de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, car si tu dis qu'il a un visage, alors tu le fais ressembler à ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Ceci est faux. Allah azza wa jalla a un visage, il l'a dit lui-même subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, il restera la face de ton Seigneur. Allah azza wa jalla a un visage, mais son visage n'est pas comme celui de ses créatures, car Allah Azza wa Jalla a dit rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah Azza wa Jalla a nié toute ressemblance à ses créatures, mais juste après il a attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et qu'il voit tout. Et l'on comprend de cela qu'Allah Azza wa Jalla entend tout et voit tout, mais n'entend pas comme ses créatures et ne voit pas comme ses créatures subhanahu wa ta'ala. Et il est interdit de comparer l'ouïe d'Allah à l'ouïe de ses créatures, la vue d'Allah à la vue de ses créatures, les mains d'Allah aux mains de ses créatures, le visage d'Allah au visage de ses créatures. Mais nous devons attester des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Cheikh Ibn Uthaymeen justement insiste sur ce point, sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, car beaucoup de sectes innovatrices ont contredit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos pieux prédécesseurs dans la compréhension des versets et des hadiths sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces sectes qui ont une mauvaise compréhension dans ce domaine ne sortent pas de l'islam, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, mais il manque à ce quatrième pilier de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de croire en ses noms et attributs, c'est-à-dire sans les falsifier, sans dire comment également. Il est interdit de dire comment est Allah, comment est la main d'Allah, comment est le visage d'Allah. Il est interdit de poser cette question. Et donc ce sont des égarés à partir du moment où la preuve leur a été montrée, à partir du moment où la vérité leur a été montrée, et que malgré que la vérité leur a été montrée en apportant les preuves du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils persistent dans leur égarement, alors ils sont considérés bel et bien comme des innovateurs, qu'Allah les guide. Wa qawluhu wa malaikatihi. بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي، أما الرسل والكتب فعالم محسوس، فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وقد خلق الله الملائكة من نور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب، فنؤمن أن هناك عالما غيبيا هم الملائكة، وهم أصناف ووظائفهم أيضا حسب حكمة الله تبارك وتعالى كالبشر أصناف ووظائفهم أصناف. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir dit que la foi était de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, Il a dit, et en ses anges, et de croire aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les anges avant les livres et les prophètes? Pourquoi? Car c'est un monde invisible. Le monde des anges est un monde invisible, est un monde que l'on ne ressent pas et qui n'est pas palpable. C'est un monde qui n'est pas palpable et qu'on ne ressent pas, dont on ne ressent pas la présence. Sauf bien sûr les anges à qui Allah Azza wa Jal a permis de se montrer aux êtres humains. Et ces faits sont nombreux et ont été nombreux, en particulier au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith également, Jibril alayhi salam est venu sous la forme humaine. Jibril alayhi salam est venu sous la forme humaine, de même que des anges sont venus sous la forme humaine vers Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils sont ensuite allés voir Lot alayhi salam. Et le fait que les anges apparaissent aux êtres humains est quelque chose de tout à fait possible, de quelque chose qui a eu lieu très souvent ou beaucoup de fois. Mais le monde des anges reste un monde invisible. Contrairement aux prophètes et aux livres, le prophète, c'est un être humain qui vivait au sein de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc c'était quelque chose de réel qu'ils voyaient en face d'eux, matin, midi et soir. Et également les livres, le Coran est un livre que l'on voit, que l'on peut prendre, que l'on peut lire, que l'on peut méditer. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de croire aux anges. Et les anges sont de plusieurs catégories et ils ont également différentes tâches. Les anges sont de différentes catégories et également ils ont différentes tâches. Et de croire aux anges, والإيمان بالملائكة يتضمن أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا اسمه جبريل. De croire aux anges, c'est tout d'abord de croire au nom des anges que nous connaissons. C'est-à-dire les anges dont nous avons la connaissance de leur nom, nous devons croire en ces anges et au nom qui leur a été donné. Comme Jibril alayhi salam, c'est le nom de l'ange Jibril qui avait pour fonction de transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il y a d'autres anges qui ont été cités dans le Coran comme Israfil alayhi salam, comme Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Malik était l'ange et l'ange de l'enfer, et d'autres anges dont le nom a été cité, et nous devons croire en ces anges et au nom qui leur a été donné. Thaniyan nu'mina bima lahum min a'mal. مثلا جبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى رسله وكذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة فمثلا هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد. Et deuxièmement, de croire aussi aux tâches qui a été données et affectées à ces anges. Comme on a dit, Jibril alayhi salam avait pour tâche de transmettre la révélation d'Allah aux envoyés. Et également, il y a d'autres anges qui ont d'autres fonctions. Il y a des anges qui ont pour fonction de s'occuper de la pluie, d'autres du vent. Et comme l'a dit Cheikh Al-Thaymin, il y a des anges qui ont pour mission d'écrire les actions des êtres humains. Chaque action, chaque acte, chaque parole que tu fais est enregistrée par des anges qui ne font que ça. Par des anges qui ont été créés par Allah Azza wa Jal pour écrire chacun de tes faits et gestes. Wa kutubihi jam'u kitab bima'na maktub wal murad biha al kutub allati anzalaha Allah ala rusulihi li'annahu ma min rasul illa anzala Allah alayhi kitaba kama qala jalla wa ala kana an-nas ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وقال عز وجل عن نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمن عليها وهو القرآن قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كل الكتب منسوخة بالقرآن فلا يعمل بها شرعا. Et de croire en ces livres, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et kutub, c'est le pluriel de kitab, c'est-à-dire de ce qui est écrit, c'est-à-dire des livres qu'Allah azza wa jal a révélés à ses envoyés sallallahu alayhi wa sallam. Car tout prophète, Allah azza wa jal a fait descendre sur lui un livre. Comme l'a dit Allah azza wa jal, les gens étaient une seule communauté. Puis Allah a envoyé des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et en tant que avertisseur, et il a descendu avec eux des livres. Wa anzala ma'ahumul kitab. Et le prophète Allah azza wa jal a dit, en parlant de Nuh et d'Ibrahim alayhi salam, et nous avons fait dans leur descendance, nous avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. C'est-à-dire dans la descendance de Nuh alayhi salam et de Ibrahim, il y avait la prophétie et les livres également qu'Allah azza wa jal révélait aux différents prophètes. Et il faut savoir que l'ensemble des livres précédents qu'Allah azza wa jal a révélés à ses prophètes sont tous abrogés par celui qui, par le livre qui les prévaut tous, qui est le Coran. Le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a une spécificité, c'est-à-dire qu'il prévaut sur tous les livres qui ont précédemment été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Al-Ma'idah, le verset 48, wa anzalna ilayka al-kitab, nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire à toi ô Muhammad, nous avons fait descendre sur toi le livre qui est le Coran, bil haqq, par la vérité, musaddiqan lima bayna yaday, pour confirmer les livres qui étaient là avant lui, wa muhaiminan alayhi, et pour prévaloir sur ces livres. Donc le Coran, muhaimin ala jami' al-kutub al-munazzala, il prévaut et abroge tous les autres livres. Pour cela que Allah azza wa jalla n'accepte pas une religion autre que l'islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min. Celui qui prend une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Celui qui On prend le cas le plus utopique, celui qui arrive à retrouver l'évangile comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à Isa alayhi salam. Et qui arrive à retrouver cet évangile et qui dit moi, je mets en pratique ce livre car j'ai maintenant la certitude que c'est l'évangile qu'Allah azza wa jalla a révélé à Isa alayhi salam. Et que l'évangile que j'ai entre les mains ne contient aucune modification, aucune falsification et aucune détérioration. Ceci ne sera pas accepté de lui, car le Coran vient abroger l'évangile. Le Coran abroge l'évangile, le Coran abroge la Torah, abroge Zabur et tous les livres qui ont été révélés, sachant que ces livres proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le Coran vient prévaloir sur eux. Donc celui qui fait ceci en appliquant, on prend l'exemple de l'évangile, ceci ne sera pas accepté de lui, car il aura mis de côté le Coran qui vient et qui prévaut sur l'évangile. واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلنا هل نعمل به إلا أن يرد شرعنا بخلافه أو لا نعمل به. من العلماء من قال إن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه شريعتنا، وإما أن لا تلد شريعتنا بخلافه ولا وافقه فيكون مسكوتا عنه، فما وافقه شريعتنا فهو حق ونتبعه، وعلى وهذا بالإجماع، واتباعنا إياه لا لأجل وروده في الكتاب السابق، ولكن لشريعتنا، وما خالف شريعتنا فلا تعمل به بالاتفاق لأنه منسوخ، وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وافقه فهو محل الخلاف، وتفصيل ذلك في أصول الفقه. Il y a maintenant une question qui se pose, qui est quel est le jugement des législations des religions avant nous? Devons-nous les mettre en pratique ou non? Devons-nous les mettre en pratique sauf si elles contredisent notre législation doivent-elles être mises à l'écart, quelle que soit leur concordance avec notre législation ou non? La réponse est, certains savants ont dit que les législations de ceux qui nous ont précédés sont une législation pour nous tant qu'elles ne contredisent pas notre législation. Et pour résumer, une législation qui est venue avant nous, une législation précédente, soit notre législation vient l'accepter, c'est-à-dire qu'elle est en concordance avec notre législation, soit elle diffère de notre législation, c'est-à-dire qu'elle vient en contradiction avec notre législation, ou soit alors cette législation précédente, on ne retrouve dans notre législation ni acceptation, ni rejet. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a rien qui prouve que ce qui était législation avant nous n'est faux ou vrai. Les savants ont dit que les législations qui sont avant nous et qui sont en concordance avec notre législation, alors nous l'acceptons et nous pouvons les mettre en pratique, et ceci à l'unanimité des savants. Mais les savants disent qu'on la met en pratique non pas parce qu'elle fait partie des législations précédentes, mais parce qu'elle fait partie de notre législation. Et ce qui vient à l'encontre de notre législation doit être rejeté, et ceci à l'unanimité. Et il y a le troisième cas, dans ce qui a été rapporté dans les législations précédentes, c'est-à-dire qui ont précédé l'islam, qui viennent ni contredire, ni être en concordance avec l'islam, c'est là où il y a la divergence des savants, c'est une grande divergence, et Cheikh Ibn Uthaymeen n'entre pas dans les détails et dirige ceux qui veulent plus de détails sur ce point dans les livres de Usul al-Fiqh. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولا، نؤمن بالله أن الله أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله، ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله، لأنها محرفة ومبدلة، ولكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن أنه حق من عند الله. De croire au livre, au livre au pluriel, bien sûr, de croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie plusieurs choses. La première, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses envoyés des livres, et que ces livres proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais concernant les livres qui sont actuellement présents et qui sont entre les mains des différentes communautés, hormis le Coran, bien sûr, qui est le livre protégé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tous les autres livres, à savoir l'Évangile et la Torah, qui sont entre les mains des Juifs et des chrétiens, nous ne devons pas croire qu'elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont des livres qui ont été falsifiés, ce sont des livres qui ont été modifiés. Mais nous devons croire que l'origine provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'origine de ces livres provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que ces livres qui sont actuellement entre les mains des juifs et des chrétiens ne sont pas ceux révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. ثانياً نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. De croire au livre d'Allah, c'est de croire également en la véracité de toutes les informations qui sont présentes dans le Coran et qui sont présentes dans les livres non modifiés et non falsifiés avant le Coran qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les informations contenues dans le Coran sont vraies, que ce soit les informations passées ou les informations futures, elles sont toutes vérité. Et de croire que le Coran est le livre d'Allah, c'est de croire que tout ce qu'il y a dans le Coran est vrai. Pour cela que les savants ne différencient pas celui qui ne croit pas en une lettre du Coran avec celui qui ne croit pas au Coran dans sa totalité. Il n'y a pas de différence chez les savants entre les deux personnes. Celui qui renie une lettre du Coran sort de l'islam, wal'iyadu billah. Celui qui dit qu'une lettre du Coran, qui renie 17 lettres du Coran, elle n'en fait pas partie, il sort de l'islam, wal'iyadu billah. Et il est au même niveau que celui qui dit je ne crois pas en ce Coran dans la totalité. Ils sont au même niveau, wal'iyadu billah. Et également, toutes les informations qui sont présentes dans l'évangile et dans la Torah et dans tous les autres livres révélés par Allah Azzawajal, mais les livres non modifiés, non falsifiés, c'est-à-dire comme ils ont été révélés par Allah Azzawajal, alors nous devons également croire, car tout ce qui vient et tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Thalithana nu'mina bima fiha min ahkamin idha lam tukhalif shari'atana ala al-qawli bi anna al-shar'a min qablana shar'un lana wa huwa al-haq. Et de croire également en tous les jugements qu'il y a dans ces livres, tant qu'ils ne viennent pas contredire nos jugements. Tant qu'ils ne viennent pas contredire nos jugements, car, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est la vie qui pour lui est la vérité, c'est que la législation de ceux qui nous ont précédés est notre législation, tant qu'elles ne viennent pas contredire notre législation. رَبِعَنَا نُؤْمِنَ بِمَا عَلَّمَنَا من أسمائها بما علمنا من أسمائها مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. Quatrièmement, de croire en tous les noms de ces livres qui sont en notre connaissance, comme le Coran, comme la Torah, comme l'Évangile, comme le Zabour, comme les feuilles d'Ibrahim et les feuilles de Moussa عليهم السلام. فلو قال رجل أنا لا أؤمن بأن هناك كتابا فهو بأن هناك كتابا لله عز وجل فإنه كافر لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب. Et si un homme venait à dire je ne crois pas, et moi je ne crois pas qu'il y a des livres qui sont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci sort de l'islam, qu'Allah nous en préserve, car de croire en Allah signifie et a pour conséquence directe de croire en ses livres. Subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihada al-qadr. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.